je lève mes yeux vers toi, Seigneur, car tu es mon secours. Mon secours ne vient que de toi. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur, car tu es mon rocher. Ma vie ne dépend que de toi. J'aime te parler, j'aime t'écouter, car tu es près de moi. J'aime te louer, j'aime t'adorer, car tu es mon Seigneur. Je t'aime, Seigneur, car tu es bon, car tu es mon rocher. Ma vie ne dépend que de toi. Ah oui, Seigneur, tu es mon Seigneur. Et je t'aime beaucoup. Mais comment est-ce que je peux m'exprimer devant toi? Oh, je veux te louer, je veux t'adorer, mais il me manque le mot. Oh Seigneur, aide-moi. Je t'aime, Seigneur, car tu es bon, oui, tu es mon secours. Ma vie ne dépend que de toi. Ma vie dépend.